الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui donc le cours numéro 56 dans l'explication du livre de عقيدة أهل السنة والجماعة de Cheikh Mohamed ibn Salih Al-Uthaymeen Rahimahullahu ta'ala. Et on expliquait au dernier cours Sifatul Ayn, Sifatul Aynayn lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bi anna lillahi aynayn, aynayn ithnatayn haqiqiyatayn. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux yeux, et que ce sont deux yeux réels. Et la preuve que parmi les hadiths qu'on a lus à ce sujet-là, on a lu premièrement des versets Fasna al-fulka bi a'yunina wa wahyina, c'est le verset 37 dans Surat Hud, le hadith aussi Hijabuhu an-nur wa law kashafahu la'ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Et ensuite le cheikh il expliquait donc que yani dit ajma'a ahl as-sunnati ala an al-aynayn ithnatan, que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, et ça c'est établi et c'est confirmé par les principes, les ulama d'ahl as-sunna, ils sont tous d'accord sur ce principe là que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux. Et il mentionne comme preuve à ce sujet là le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa yu'ayyiduhu qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ad-dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du Dajjal que il est borgne, et alors que votre Seigneur n'est pas borgne. Donc on avait expliqué ça au dernier cours. Et on continue maintenant à propos de l'endroit où on s'était arrêté. Le cheikh il explique, il dit wa qala fa idha qala qa'ilun mal jam'u bayna al mufrad wal jam'i fi qawlihi ta'ala wa litusna'a 'ala 'ayni wa qawlihi ta'ala tajri bi a'yunina qulna al jam'u baynahuma sahlun fa inna 'ayn mufrad في أصول وفي أصول الفقه أن المفرد أن المفرد المضاف يعم، فإذا كان يعم فإن قوله عيني لا يمنع التعدد، لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين، أما الجمع فإنما جمع للتعظيم. والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد فضلا عن أن يحصر العدد باثنين. أرأيت قول الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، يعني وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا الجمع لا يستلزم التعدد بل هو للتعظيم فقط. إذن بأعيننا جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد، وهذا إذا لم نقل إن الجمع يدل على مطلق التعدد. أما ما ورد من أن الله له عينان اثنتان بصيغة التثنية فهذا نص في العدد فيؤخذ به، ونحن نؤمن بأن لله عينين، وما ذكر بصيغة الإفراد فهو يعم الواحد وأكثر، وما ذكر بلفظ الجمع فهو على سبيل التعظيم. Donc ici ils ont posé la question au Cheikh Ibn Uthaymeen à propos du singulier et du pluriel qui ont été employés à propos des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala dans différents versets dans le Coran. Comment on associe ou on réunit ces textes-là qui sont différents. Dans un texte, il mentionne l'œil au singulier, et dans l'autre verset, il mentionne les yeux au pluriel. Donc, comment on fait le lien entre les deux? Donc dans surat Taha, le verset 39, il dit وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, et pour qu'elle soit construite sous mon œil. Et dans l'autre verset, تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا, qui vogue sous nos yeux, dans le verset 14 dans surat Al-Qamar. Donc le cheikh il explique comment on réconcilie ces deux choses là, ou ces deux versets là. Et le cheikh il explique que c'est très facile de les réunir ou de les réconcilier, parce que en réalité lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'œil au singulier, et on dit que ici l'œil qui est mentionné au singulier et qui est rattaché au pronom d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, eh bien il a le sens, il a un sens général, et donc ça implique pas un nombre spécifique. Donc ça revient au nombre de yeux que Allah subhanahu wa ta'ala possède. Et comme on a mentionné déjà que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, donc le fait qu'ils disent sous mon œil, ça ne nie pas que Allah subhanahu wa ta'ala ait deux yeux. Au contraire, ça comprend tout ce que Allah a affirmé comme œil. En ce qui concerne le pluriel, il dit que c'est un pluriel de respect et non un pluriel de nombre. Et donc, ça n'implique pas que Allah subhanahu wa ta'ala aurait plus que deux yeux. D'accord ? Donc, ça, c'est la réponse que le cheikh il a mentionnée. Puis, il a cité comme exemple les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme, ou plutôt le pronom, de la première personne du pluriel, nahnu, inna nahnu narithu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le pluriel pour parler de sa personne alors qu'il est unique. Donc ici le pluriel c'est un pluriel de respect et de grandeur et non pas un pluriel de nombre. Donc ça c'est la clarification que le cheikh a mentionné à ce sujet là de même que dans le verset inna nahnu nazzalna dhikra, donc encore une fois le pronom pluriel de la première personne est employé ici dans le sens du respect, de la grandeur, et non pas dans le sens du nombre, parce que Allah est unique. Et quand il dit bi'ayunina, sous nos yeux, eh bien c'est la même chose, c'est la même chose, c'est par respect, c'est un pluriel de respect et non pas de nombre. Il dit en ce qui concerne qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du nombre du duel ou du duel qui a été employé pour parler des yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça c'est un texte à ce sujet-là, et donc il dit on peut le prendre. Et il dit nous croyons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, comme on a mentionné le hadith au dernier cours qui mentionne que le Dajjal il est a'war, il est borne, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas borne. En fait c'est parce que le Dajjal il a deux yeux, mais un de ses deux yeux ne fonctionne pas, ou il n'est pas un de ses deux yeux il ne peut pas voir avec. Donc il est aveugle d'un œil, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc il est awar, un de ses deux yeux c'est comme il l'a décrit comme un raisin, c'est-à-dire il est pas il est blanc, il peut pas voir avec, tandis que il a dit que votre Seigneur il n'est pas borgne, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il a deux yeux, et il a mentionné donc ça à ce sujet-là. Il dit وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْيَدَيْنِ فَالْيَدَانْ وَرَدَتْ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ إِفْرَاد وَتَثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَمِنَ الْإِفْرَادِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ومن الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ومن التثنية قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والجمع بينهما أن نقول إما أما ما جاء بلفظ الإفراد فهو مفرد مضاف فيكون عاما ولا يمنع التعدد وأما ما جاء بلفظ الجمع مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا المراد به التعظيم وأما ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد فيكون حقيقة الأمر أن له يدين اثنتين. Donc le Cheikh il explique que au sujet des mains la même chose a été mentionnée dans certains versets. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la main au singulier, dans d'autres versets au duel et dans d'autres versets au pluriel. Et donc il explique que les versets qui mentionnent le singulier, c'est comme le verset 88 dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qui man biyadihi, donc qui est celui qui possède le royaume de toutes choses dans sa main, qui détient toutes choses, le pouvoir de toutes choses dans sa main, et qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le verset donc 88 dans Sourate Al-Mu'minun. Donc on voit la mention ici de la mention de la main au singulier, et aussi le verset 1 dans Sourate Al-Mulk, que béni soit celui qui détient le royaume dans sa main. Donc ça c'est la main au singulier. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait souvent dans les hadiths wallazi nafsi biyadihi, celui en qui mon âme est en sa main. Donc ça c'est un autre exemple de l'utilisation de la main au singulier. Et il dit également dans d'autres versets que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le terme main au pluriel aussi, et l'exemple de ça c'est dans sourate Yassin. Dans Sourate Yassin, le verset 71. Donc, on va voir la traduction de ce verset-là. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ne voit-il donc pas que, parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. » Donc, ça veut dire de ce que nos mains ont fait, de ce que nos mains ont créé. Donc, ça, c'est un exemple. Aussi, dans un autre verset, il mentionne au duel, c'est-à-dire en arabe il y a le duel, pas seulement le singulier et le pluriel, il y a le duel aussi. Et donc dans le verset 64 dans sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit bal yadahu mabsutatan, donc ses deux mains sont grandes ouvertes, il donne de ses dons comme il veut. Et le verset 75 dans sourate Sad, qu'est-ce qui t'a empêché, Allah il s'adresse à Iblis, et il lui dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains, est-ce que tu t'es enflé d'orgueil. Donc on voit l'exemple ici encore, et le cheikh il dit on répond donc à ça de la même manière qu'on a répondu au sujet des yeux, que le mufrad, le singulier qui est utilisé pour décrire le singulier qui est utilisé pour décrire la main qui est attribuée à Allah, eh bien ça c'est dans un sens général, donc ça n'implique pas un nombre, ça n'implique pas un nombre. Même nous quand on parle on dit ça parfois, c'est moi qui détiens par exemple ton sort en ma main. Parfois on va dire ça, un roi va dire ça par exemple à propos d'un prisonnier ou quoi, c'est moi qui a ta vie en ta main ou quelque chose comme ça. Ou bien on peut dire cette chose là c'est hors de mes mains, c'est hors de ma main, par exemple j'ai pas de pouvoir sur ça. Ou bien même parfois on peut utiliser ça aussi comme, par exemple, jeter à l'œil. Jeter à l'œil. Peut-être que quand on dit ça, c'est l'œil, on l'utilise au singulier, ça ne veut pas dire qu'on a seulement un seul œil. je garde l'œil ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on a seulement un œil. Donc c'est un exemple comme ça. Et donc ici, le fait d'utiliser le singulier, ça n'implique pas que ça limite le nombre à un seul, une seule main par exemple. Et l'utilisation du pluriel, eh bien, ça on l'a expliqué, c'est par respect, c'est le pluriel de grandeur et non de nombre. Et en ce qui concerne le duel, eh bien, ça c'est la réalité. On voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné qu'il a deux mains. Et ça, c'est donc une preuve claire à ce sujet-là, par rapport au nombre. Et il dit ensuite, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ. C'est là qu'on était rendu maintenant. Oui. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وهو اللطيف الخبير ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تكلمنا عن هذا قبل بعض الدروس. يعني الشيخ ذكر هذه الآية وبين يعني أن الله سبحانه وتعالى له يمين. وفي حديث يقول وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين. وذكر أن هناك حديث يذكر أن لله كذلك شمال, ولكن ذكر في الحديث الثاني يقول وكلتا يديه يمين. وبين السبب في هذا, وخلاصة ذلك يقول أننا نثبت بأن لله شمالا, وأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين أي من اليمن وهو البركة, وأنه لما قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة إنما ذكر ذلك لئلا يتوهم واهم بأن الشمال ناقصة, فقال كلتا يديه يمين. هذا هو يعني البيان. وفيك بارك إن شاء الله. نعم. Donc là maintenant on arrive à un autre point où le cheikh il va expliquer. Il dit يعني que Allah سبحانه وتعالى il mentionne dans le verset la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, c'est-à-dire que yani les regards ne peuvent l'atteindre tandis qu'il saisit tous les regards et il est le doux et le parfaitement informé, et nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Et il cite le verset dans sourate Al-Qiyamah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. » Donc ça c'est le verset, les deux versets que le cheikh il a expliqué maintenant. On va lire l'explication à ce sujet-là. Il dit « وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ نقول أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا, فلا يرى يقظة أبدا, فما رآه أحد يقظة أبدا, لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل, إذ إن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. ولهذا لما قال موسى Rabbi arini anzur ilayk, hein? فقال الله له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني وذلك لاجل ان يعلم موسى انه لا يمكن ان يرى الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني ان دك الجبل وهو حجر أصم يعني واندك يعني صار ترابا فموسى عليه السلام عجز عن مقاومة هذا المشهد وخر موسى صعقا أي سقط على الأرض مغشيا عليه فلما آفقه قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وبهذا عرفنا أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا لعدم احتماله ذلك لذلك وإذا كان الجبل عجز عن ذلك فالبشر من باب أولى. Donc le Cheikh il explique, il dit que dans ces deux versets, le premier verset qui dit nul regard ne peut l'atteindre, tandis que lui, il atteint tous les regards où tandis que lui, il saisit tous les regards. Et dans l'autre verset, il mentionne que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection, hein, et en disant que ce jour-là, des visages seront resplendissants, qu'ils regarderont leur Seigneur. Donc ces deux versets-là indiquent l'attribut, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala peut être vu. Hein, il peut être vu. Mais quand est-ce qu'il peut être vu? Est-ce que c'est dans cette vie d'ici-bas ou est-ce que c'est dans l'au-delà? Le Cheikh il dit, en ce qui concerne cette vie d'ici-bas, personne ne peut voir Allah en état d'éveil. Dans cette vie d'ici-bas, personne d'entre les créature ne peut supporter de voir Allah en état d'éveil. Et personne ne l'a jamais vu en état d'éveil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, personne parmi les fils d'Adam ne peut supporter sa vue. Hein? Parce que leur corps et leur création, elle est trop faible pour être capable d'endurer ou de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salam, lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans le verset 143 dans Surat al-A'raf, il dit « Ô mon Seigneur, laisse-moi te regarder. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le verset suivant, ou dans le même verset, « Tu peux pas me voir, hein, mais regarde la montagne. » Et si elle demeure en place, alors à ce moment-là, tu me verras. Et il dit, et ça c'était dans le but de faire savoir à Moussa alayhi salam qu'il n'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Et lorsqu'il s'est manifesté, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne, eh bien, il l'a pulvérisé complètement. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait devenir de la poussière, cette montagne. Alors que c'est de la roche inerte, hein? Et c'est de la roche qui ne peut pas voir, qui ne peut pas parler, et malgré tout, elle s'est pulvérisée devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à ce moment-là, Moussa alayhi salam a compris qu'il ne pouvait pas supporter, hein, de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il s'est jeté prosterné, foudroyé par terre, il a perdu connaissance, hein, lorsqu'il a vu ça. Et lorsqu'il est revenu à lui-même et qu'il a repris conscience, il a dit « Gloire à toi, je reviens à toi repentant » et je suis le premier des croyants. Le verset 143 dans Surat al-A'raf. Ensuite, le Cheikh il dit, et donc, on peut donc comprendre que personne ne pourra voir son Seigneur dans cette vie d'ici-bas parce qu'on n'est pas capable de supporter ce genre de choses. Et donc si une montagne inerte n'est pas capable de supporter de voir Allah, alors l'être humain encore moins, hein, alors l'être humain peut encore moins le supporter. Il dit ensuite وَبِهَذَا عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَرَى أَحَدٌ رَبَّهُ فِي الدُّنْيَا لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِذَلِكَ وَإِذَا كَانَ الْجَبَلُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَالْبَشَرُ مِنْ بَابِ أَوْلَى فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج فالجواب لا لم يره ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل رأيت ربك قال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا وهذا النور هو نور الحجاب نور الحجاب فقال نور أنى أراه يعني كيف أراه مع وجود هذا النور الذي يحجب ما بيني وبينه ويفسر ذلك قوله رأيت نورا إذن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلوات الله وسلامه عليه على نفسه. Donc le cheikh il explique, il dit que n'est-ce pas, si quelqu'un nous demande, n'est-ce pas que Allah a vu son Seigneur dans la nuit du Mi'raj, dans la nuit de l'ascension, il dit la réponse à cela est non, il ne l'a pas vu. Et c'est pour ça que même que le prophète a lui-même été questionné à ce sujet-là, as-tu vu ton Seigneur? Et il a répondu, comme c'est rapporté par l'imam muslim, dans Sahih Muslim, selon le hadith de Abi Dharr, il a répondu, « Nourun anna arahu » Il y avait de la lumière, comment aurais-je pu le voir? Et dans une autre narration, qui est rapportée par Muslim également, il a dit, « J'ai vu de la lumière, j'ai vu de la lumière. » Et donc, il dit, cette lumière, c'est la lumière du voile d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué dans l'autre hadith, « وَحِجَابُهُ النُّورِ » Et son voile est un voile de lumière. Et il dit, « نُورٌ أَنَّا أَرَاهُ » وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Il dit, « J'ai vu de la lumière, comment je pouvais... » voir Allah, je ne pouvais pas le voir, il y avait de la lumière. Donc il est voilé par de la lumière et c'est la lumière du voile d'Allah qui l'a vu. Et cette lumière, c'est un voile entre Allah et entre lui. Donc il n'a pas pu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, on comprend cela par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit, j'ai vu de la lumière. Donc, il n'a pas, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même confirmé qu'il n'a pas vu Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est ses propres paroles. Il dit, فَإِنْ قِيلَ أَلَمْ يَرْوِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى رَبَّهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فالجواب بلى ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ابن عباس لم يقل رآه بعينيه أو بعينه بل رآه بفؤاده والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وما قاله شيخ الإسلام حفظه رحمه الله هو الحق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. وأما مناما ففيه الحديث المشهور أن الله تعالى قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في المنام. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وذلك في عرصات القيامة، ويرونه أيضا إذا دخلوا الجنة. Donc on va expliquer ici maintenant que quelqu'un pourrait poser la question, n'est-ce pas que Abdullah ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, et ça c'est rapporté par l'imam muslim, par l'imam muslim selon Ibn Abbas, « وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى » il dit que c'est rapporté que Abdullah ibn Abbas a rapporté qu'il a vu son Seigneur. Mais la réponse à cela, oui c'est vrai, mais Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a expliqué que Abdullah ibn Abbas n'a pas dit qu'il l'a vu avec ses yeux, plutôt il l'a vu par son cœur, et c'est à cause de la force de sa certitude, c'est comme s'il le voyait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la définition de Al-Ihsan. Qu'est-ce que c'est Al-Ihsan? L'excellence dans l'adoration, le perfectionnement dans l'adoration, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on l'a déjà expliqué, le hadith de Jibril. Il a dit que, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce qu'il a dit c'est la vérité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu son Seigneur, mais il ne l'a pas vu en état d'éveil. Il l'a vu en rêve, ou bien il l'a vu par son cœur et non pas par ses yeux. Et il l'a expliqué dans le hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi, selon Ibn Abbas. Il dit que Ibn Rajab l'a expliqué d'une façon très très très bien, très bien détaillée, et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur pendant le sommeil, dans un rêve, et non pas avec ses deux yeux. Donc il dit que on comprend donc de cela que il faut croire que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection. Sur le lieu du rassemblement et de la résurrection, au jugement dernier, ils vont voir leur Seigneur aussi lorsqu'ils vont rentrer au paradis. Et le cheikh il explique ça, il dit: wa amma ru'yatuhum iyyahu fi 'arasat al-qiyamah fa hiya ru'yatu imtihan wa ikhtibar. وأما رؤيتهم إياه بعد دخول الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه في ذلك المكان فهي رؤية إكرام. آمين. نتمنى كلنا نرجو ذلك. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne la vue des croyants au jour de la résurrection, dans le lieu de jugement, lorsque Allah va nous ressusciter, il dit ça, ce sera une vue d'Allah dans le but de nous tester. Ce sera une épreuve et un test au jour de la résurrection. Pour les hommes. Et on va expliquer pour qui. Mais il dit, mais en ce qui concerne la vue d'Allah dans le paradis, il dit, on demande à Allah qu'il nous fasse entrer au paradis pour qu'on puisse le voir à cet endroit-là. Il dit, ce sera une vision ou une vue d'honneur. Il va nous honorer de cette vue-là. Il dit, yukrimuhum azza wa jal idha kashafa al-hijab lahum an wajhihi fayarawnahu. ولا يرون نعيما أنعم ولا ألذ من النظر إلى وجهه عز وجل ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. Donc le cheikh il dit que ça c'est une vue dans le paradis pour les croyants dans le but de les honorer de cette vision là, de cette vue là. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc dans le paradis va dévoiler hein, son visage. Il va retirer de son visage le voile pour que les croyants puissent le voir. Et ils n'auront vu aucun délice plus délicieux, ni de plaisir plus délicieux que le fait de pouvoir regarder le visage de leur Seigneur Azza wa Jal. Et c'est pourquoi il est mentionné dans le hadith, dans le dua, je te demande le plaisir de pouvoir regarder ton visage. Yani, je te demande le plaisir de pouvoir regarder ton visage dans le dua hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'idhan في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار وذلك أنه يجتمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل ثم يأمرهم بالسجود فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل ومن لم يسجد في الدنيا فإن ظهره يقف ولا يستطيع السجود قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي في الدنيا وهم سالمون ليس فيهم بلاء ولا يسجدون أما في الجنة فهي رؤية إكرام ويأذن الله عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية بالعين لا بالقلب أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق فيما يقول قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب أكدها تأكيدا بالغا وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به مصدقا به لأنه صريح لا يحتمل التأويل. Donc le cheikh il explique que donc au jour de la résurrection on va le voir et ce sera une épreuve comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au jour de la résurrection les croyants et les hypocrites seront réunis ensemble. Et Allah va leur venir, et Allah va leur apparaître d'une façon dans laquelle il va se présenter à eux comme il veut, Azza wa Jal. Puis il va leur ordonner de se prosterner devant lui. Hein? Donc celui qui dans la vie d'ici-bas se prosterne volontairement avec foi à Allah, il va être capable de se prosterner. Tandis que celui qui ne se prosternait pas dans la vie d'ici-bas, eh bien son dos sera bloqué. Hein? Sa colonne vertébrale va devenir raide. Chaque fois qu'il va essayer de se prosterner, il va tomber sur le dos. Il ne pourra pas se prosterner, il sera incapable de se prosterner. Sa colonne devient raide. Il veut se pencher, il ne peut pas. Il tombe sur le dos à chaque fois. Et ça c'est, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça c'est l'exemple de ce que Allah a mentionné dans les versets 42 et 43 dans Surat Al-Qalam. Et on va lire ensemble la signification de ces versets-là. Il y aura les croyants et les hypocrites au jour de la résurrection. Allah va les éprouver de cette façon-là. Donc ils vont le voir. Et comme on dit aussi, même certains ulama, ils ont mentionné aussi que certains, même parmi les kuffars au jour de la résurrection, Allah va les permettre de le voir à ce moment-là, puis après il va se voiler d'eux. Donc ils ne pourront plus le voir par la suite. Et ça va augmenter même leur punition et leur châtiment. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Non, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. Ils ne pourront pas le voir. Comme on disait par rapport à Surat Al-Qalam, donc je vais vous lire les versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas, ils ne seront pas capables de se prosterner, leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Donc quand ils étaient sains et saufs dans la vie et qu'ils n'avaient pas d'épreuves, ils ne se prosternaient pas. Tandis que là, ce jour-là, ils essaient de se prosterner, ils ne sont pas capables. Et tandis que en ce qui concerne la vue d'Allah dans le paradis, ça c'est une... Allah, il va leur faire l'honneur de pouvoir le regarder. Et Allah va leur donner la permission, alors ils vont venir le visiter et il va se dévoiler devant eux pour qu'ils puissent le voir. Et il dit nous croyons donc que nous allons voir notre Seigneur au jour de la résurrection de la manière qui a été mentionnée dans le Coran et dans la Sunna, d'une vue qui est réelle avec les yeux, non avec le cœur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela. Et c'est la plus noble des créatures, la plus savante des créatures à propos d'Allah, la plus sincère des créatures envers les autres créatures, et la plus véridique des créatures dans ce qu'il dit. Et il a mentionné dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Jarir ibn Abdullah, il dit vous allez certes voir votre Seigneur comme vous voyez la nuit lorsque c'est la pleine lune. Vous n'avez pas de difficulté à la voir. C'est-à-dire le fait que vous soyez tous ensemble, ça, vous n'avez pas de difficulté à le voir. Dans le sens que quand on est dehors, on regarde le ciel, si c'est la pleine lune, même s'il y a une foule de monde réunie, personne n'a de difficulté à le voir. Tandis que, parfois, si on est dans une foule puis il y a quelqu'un au loin, ceux qui sont petits ne peuvent pas voir à cause des autres. Les têtes les empêchent de voir. Ceux qui sont plus grands, ils empêchent les petits. Mais quand c'est la pleine lune, dans le ciel, personne n'a de la difficulté à voir parce que c'est au-dessus de notre tête. Et donc il dit vous allez tous voir votre Seigneur comme on peut voir la nuit lorsque c'est la pleine lune. Vous n'allez pas vous empêcher les uns les autres de pouvoir le voir. Et il dit et comme vous voyez le soleil dans une journée lorsque il n'y a pas de nuages. Donc ça c'est pour confirmer que les croyants vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils vont le voir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et qu'ils vont le voir d'une façon qui est facile, sans difficulté. Donc ça, c'est une confirmation explicite et claire, et c'est une parole qui ne peut pas être interprétée autrement. Elle est explicite Et donc, hein, le croyant, il prend ça et il l'accepte et il y croit. Et c'est un hadith authentique. Donc il dit: والأدلة على رؤية الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. وأما من القرآن ففي عدة آيات. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ووجه الدلالة أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، إذ لو لم يكن أصل الرؤية موجودا لكان نفي الإدراك لغوا لا فائدة منه. والعجب أن الذين أنكروا رؤية الله استدلوا بهذه الآية أيضا، فنقول الحمد لله أنكم حملتم مشعلا يحرقكم، لأن هذه الآية دليل عليهم بلا شك، لأن الله عز وجل لم يقل يعني لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه، وهذا يدل على أن الأبصار تراه ولكن لا تدركه، كما نرى الشمس الآن مع ومع ذلك بمجرد العين لا ندركه. Donc le cheikh il mentionne qu'il y a des preuves que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus des salaf. La première, c'est les preuves, et ça c'est dans le Coran, il y a plusieurs versets qui indiquent que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 143 dans sourate Al-An'am, dans lequel il dit « La tudrikuhu al-absar » il ne peut être cerné par leur regard ou atteint par leur regard, tandis qu'il saisit tous les regards. Ici, Al-Idrak, les ulama ont dit, c'est-à-dire c'est différent de dire hein, les regards ne peuvent pas le voir ou bien les regards ne peuvent pas le cerner. Hein, c'est deux choses différentes. Et donc ici le cheikh il explique que le fait que Allah dise que on ne peut pas le cerner de nos regards, c'est la preuve qu'on peut le voir. Hein, il dit sinon il n'y aurait pas de raison de dire ça. Il dit c'est étonnant que certains qui nient le fait qu'on va voir Allah comme les gens de bid'a. Il y a certains groupes de bid'a, ils disent non, on ne peut pas voir Allah, c'est pas possible, ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Donc ils renient ça. Et il cite comme exemple ce verset-là. Hein? Il ne peut pas être cerné. Hein? 143 dans Sourate hein? Al-An'am. La tudrikuhu al-absar. Oui, c'est ça. Dans certaines traductions, il est traduit différemment. Comme là, la traduction que je vous ai donnée, c'est celle de Dar Salam. Ils ont traduit ça comme en disant il ne peut être atteint par les regards. Hein? Mais ça, c'est une erreur de traduction dans ce sens-là. C'est le verset 103. Vous voyez, ils se sont trompés. Hein? Des fois les maisons d'édition ils font des erreurs dans l'impression des trucs là. Donc ici c'est pas 143, c'est 103. Et puis le pire c'est que dans l'autre page ils ont écrit le bon numéro, mais à cette page là ici ils se sont trompés. Bon, 103, donc on va voir comment ils l'ont traduit ici. Dans la traduction de Malik Fahad, les regards ne peuvent l'atteindre. C'est la même chose. Alors qu'il saisit tous les regards. Oui. Donc la vraie traduction de ça, c'est pas il ne peut être atteint par les regards, mais plutôt il ne peut être cerné. Hein? Parce que al-idrak huwa al-ihata. C'est ça que ça veut dire. Ok. Et donc ça veut dire cerner et non pas vu. Et il dit donc que le cheikh il dit Donc dans ce verset-là, hein, il y a une preuve contre ceux qui nient la vue d'Allah. Et donc c'est comme si en utilisant ce verset-là, eux, pour essayer de nier la vue d'Allah, eh bien c'est comme s'ils se sont brûlés eux-mêmes. Parce que là, c'est une preuve contre eux. Et il dit que Allah n'a pas dit qu'il ne sera pas vu par les regards. Il dit qu'ils ne seront, leurs regards ne pourront le cerner. C'est ça la différence. D'accord? C'est les applications avec des publicités dedans, là, ça fait ça. Subhanallah. Toi, une application de Coran, quand tu cherches un verset, après, ils te mettent une pub. Et il y a certaines applications, ils te permettent d'acheter l'application pour éliminer les publicités. Mais d'autres applications, ils te donnent même pas cette option-là. Donc, à chaque fois que tu cherches un verset, ils te mettent une pub. Et des fois, il y a des sons qui sortent après. Donc, le Cheikh il dit ensuite, al-ayatu thaniya. Donc c'est ça. Oui. الآية الثانية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني في يوم القيامة الوجوه تختلف. يعني وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه عليها نظرة النعيم كما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا نظرة حسنة ولذلك ناظرة يعني بالضاد وليست بالضاء لأنها من النضارة وهي الحسن الحسن إلى ربها ناظرة يعني هذه الوجوه الناظرة النيرة الحسنة أهل يعني أهل لأن ترى الرب أهل لأن ترى الرب فتنظر إلى الله ولهذا قال إلى ربها ناظرة وتأمل كيف قال تعالى إلى ربها ناظرة لم يقل ناظرة إلى ربها فقدم المتعلق على المتعلق لفائدتين الأولى مراعاة الفواصل والثاني الحصر أي كأنها لا تنظر إلا إلى الله لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله. Donc le deuxième verset, c'est le verset 22 et 23 dans sourate Al-Qiyamah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et des visages seront ce jour-là éblouissants, ils regarderont leur Seigneur. Donc ça c'est dans sourate Al-Qiyamah, et le Cheikh explique que au jour de la résurrection, il y a différents visages, différentes sortes de visages. Il y a des visages resplendissants. Et dans Sourate Abasa, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le visage de ceux qui sont, par exemple, parmi les mécréants, que leurs visages seront assombris, ou bien qu'ils seront remplis de poussière, recouverts de ténèbres. À la fin de Sourate Abasa. Et dans Sourate Al-Qiyamah, il dit il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٍ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٍ. Donc il y a différentes sortes de visages. Et les visages qui sont éblouissants, illuminés, qui sont beaux. Pourquoi? Parce que ce sont les visages des croyants. Dans Sourate Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ta'arifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. Hein, l'éclat de la félicité. Donc, tout ça, c'est des exemples de la description des visages des croyants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils vont avoir un visage qui est éblouissant, éclatant. Hein. Et dans Surat al-Insan aussi, وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Ça c'est dans le verset 11. Et il leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Donc tout ça pour décrire les visages, les différents visages. Tandis que les visages des croyants, ils seront illuminés, brillants, hein, joyeux, et ils seront beaux, hein, embellis. Et ce sont les visages de ceux qui méritent de voir leur Seigneur. Ils vont donc regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu regardes le verset, la façon comment Allah il le dit, il dit « ila rabbiha nadhira », hein, et il dit « et vers leur Seigneur ils regarderont ». Vers leur Seigneur, ces visages-là regarderont. Et c'est comme si pour dire qu'ils regarderont rien d'autre. C'est comme pour dire qu'ils regarderont rien d'autre. Et ils ne pourront pas regarder rien d'autre. Parce que toute autre chose qui est autour, c'est rien à côté d'Allah. Donc ils ne pourront voir que Allah à ce moment-là. Hein, puisque toutes les autres choses sont insignifiantes. À côté du fait de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis aussi, une autre raison, c'est pour pour suivre aussi l'exemple de qu'est-ce qui est dit, par exemple, dans les autres versets. وَجُوهُ يَوْمَ إِذٍ نَاظِرَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ. Il y a comme une harmonie dans la forme, dans la façon, hein, comment Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Les deux sont, ça se suit. C'est comme s'il y avait une harmonie dans la forme. Et il dit le troisième verset qui prouve que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection, c'est le suivant. Il dit al-ayatu thalitha, qawlullah ta'ala lil-ladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Hein? والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجهه عز وجل وأعلم الخلق بمعاني القرآن بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية فيها دليل على رؤية الله والذي دلنا على أن فيها دليلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, dans le verset 26, dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour ceux qui ont été bons, qui ont été bienveillants, ils auront en récompense Al-Husna. Et Al-Husna, c'est le paradis. Et il dit ensuite, Waziyada, et quelque chose en plus. Hein? Et c'est quoi la chose en plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même expliqué dans Sahih Muslim. Il a dit, dans le hadith de Suhayb, radiyallahu anhu, Az-ziyada, c'est le fait de pouvoir regarder le visage d'Allah. An-nazaru ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Donc, lil-ladhina ahsanu al-husna wa ziyada, et az-ziyada, c'est le fait de pouvoir voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une preuve dans ce verset-là, et qui connaît mieux que le messager d'Allah, la signification du livre d'Allah, hein? Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ici qui nous a donné cette signification-là. Et c'est une preuve à ce sujet. Il cite aussi l'autre verset, le verset 4, ou bien plutôt le quatrième verset qui prouve que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le verset que j'ai mentionné tout à l'heure dans Surat al-Mutaffifin. Qawlullah tabaraka wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ya'ni bi dhalika al-fujjar, amma al-mu'minuna fahum ghayru mahjubin. لأنهم لو كانوا محجوبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الكفار وبين الفجار. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما حجب هؤلاء في الغضب إلا وهم لم يحتجب إلا وهو لم يحتجب عن الأبرار في الرضا. وهذا استنباط جيد، لأنه لو كان الجميع محجوبين ما كان هناك فائدة، فذكر الله أن هؤلاء محجوبون عن الله يدل على أن الأبرار وهم ضدهم غير محجوبين عن الله عز وجل. Donc il dit ici le Cheikh dans le verset 15 dans Surat al-Mutaffifin, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. C'est-à-dire ils ne pourront pas le voir. Ça, c'est-à-dire les criminels, les pervers, les mécréants. Tandis que les croyants, eux, ils ne seront pas voilés. Ils pourront voir leur Seigneur. Et ça, c'est par opposition, parce que si Allah il dit qu'il va voiler ces gens-là qui ne pourront pas les voir Allah, et donc ça indique par déduction que yani ceux qui font partie des abrar, des gens du bien, eh bien ils vont avoir l'agrément d'Allah et donc ils ne vont pas être voilés de voir leur Seigneur, puisque le fait qu'ils soient voilé, c'est un signe de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Et ça, c'est une bonne déduction de la part de l'imam al-Shafi'i à ce sujet. Il dit, parce que s'ils étaient tous voilés, alors il n'y aurait pas eu de bienfait de mentionner que ceux-là sont voilés de voir leur Seigneur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que ceux-là seront donc voilés. Et c'est la preuve que les gens du bien et les bons parmi les croyants, eux, ils seront à l'opposé d'eux et ils ne seront pas voilés d'Allah. Donc ils vont pouvoir le voir. Le cinquième verset à ce sujet-là, c'est le verset suivant. قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ على الأرائك ينظرون فماذا ينظرون الجواب قد تقدم في نفس السورة القول عن الفجار في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذن المؤمنون ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلون فيها ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله فيها من النعيم من الزوجات ومن الأشجار ومن الأنهار ومن كل شيء فهم ينظرون إلى كل ما أنعم الله به عليهم وأعظمه النظر إلى وجه الله عز وجل. Donc le Cheikh il dit dans le verset 22 et 23 dans Surat al-Mutaffifin encore, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que les bons, les gens du bien, ils seront dans les délices. Sur des divins, ils regarderont. Ils vont regarder. Ils vont regarder quoi? La réponse, comme on l'a dit au début dans cette sourate, que les pervers vont être voilés de voir leur Seigneur. Donc les croyants, eux, ils vont regarder. Lorsqu'ils vont rentrer dans le paradis, ils vont regarder leur Seigneur. Ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ils vont regarder aussi tout ce que Allah leur a donné comme délices et comme biens, toutes les épouses qu'ils vont avoir, les épouses qu'ils vont avoir dans le paradis, et les arbres et les rivières du paradis, et toutes les belles choses et les bonnes choses que Allah va leur donner. Ils vont regarder tout ça et yani, ils vont regarder par-dessus tout également le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le plus grand délice qu'ils vont avoir dans le paradis. Ensuite, et c'est le dernier verset que le Cheikh il a mentionné comme preuve à ce sujet-là, al-ayatu as-sadisa قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآية ليست صريحة جدا، ولكن لقائل أن يقول المزيد هنا هو الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فنفسر المزيد بأن منه النظر إلى وجه الله. فهذه ست آيات، منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك، ولكنها تدل على رؤية الله عز وجل. Donc le cheikh dit le sixième verset, c'est le verset 35 dans sourate Qaf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ils auront tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils veulent dans le paradis, et ils auront même plus auprès de nous. Ils auront auprès de nous plus encore. Et il dit ce verset-là, il n'est pas explicite, hein, il n'est pas très explicite, mais on peut dire que le surplus qui est mentionné dans le verset, c'est le même que celui qui est mentionné dans le verset 36 de Sourate Yunus. Ceux qui font le bien, ils auront le paradis, et quelque chose de plus encore, c'est-à-dire le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait 6 versets, hein, qui prouvent qu'on va voir Allah. Et parmi ces versets-là, certains sont très explicites, très clairs, et d'autres qui sont moins que ça, mais ils indiquent quand même tout ce que on pourra voir Allah dans l'au-delà, hein. Et on a expliqué que la vue d'Allah, c'est seulement dans l'au-delà. Dans cette vie, on ne peut pas. Et il y a le hadith, le cheikh il l'a pas cité, mais il l'a mentionné déjà dans d'autres parties auparavant. Innakum lan tarau, quand il a réfuté les à propos du Dajjal, hein, parce que le Dajjal à un moment donné il va venir, il va dire qu'il est Allah, et il a donné comme signe, il dit et sachez que wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, sachez que vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. Donc dans cette vie là vous n'allez jamais voir Allah. Donc si quelqu'un dit qu'il est Allah, hein, ou qu'il a vu Allah, vous savez que c'est un menteur, hein. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours là ايوه نعم ذكر الشيخ هذا اي نعم قبل يعني في بدايه الدرس ذكرنا هذا يعني au début du cours on a mentionné l'exemple de Moussa alayhi salam et de la montagne. C'est dans sourate, c'était dans quelle sourate ici? C'est dans sourate Al-A'raf. اي نعم يعني ربي اريني انظر اليك فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما آفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية. طيب إن شاء الله سأعطي سيبور سلولا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.